Moi j'ai trouvé un petit cachot, mon chouchou, qui jouait avec un gros pichou, mon chouchou, dans une ville en caoutchouc, mon chouchou.